j'en veux bien quand même, un peu jour après jour, pour être enfin moi-même, ni heureux ni malheureux, mais pas moi-même, j'en suis sûr. La vie peut être capricieuse et vous planter dans un mur, mais quelqu'un veille, c'est le destin. Les choses bougent, c'est tant mieux. Tu as effacé mon chagrin, gommé la tristesse de mes yeux. Et de douceur, j'étais pas habitué à ça. Mais j'apprivoise vite le bonheur avec un amour gros comme ça. 4 ans après, rien n'a changé. En y pensant, ma gorge se serre. C'est bien plus fort et bien ancré. C'est comme une énorme bouffée d'air. Mais quelqu'un veille, c'est le destin. Les choses bougent, c'est tant mieux. Tu as effacé mon chagrin, gommé la tristesse de mes yeux. Ce ne serait plus du miel. Toutes tes caresses et tes baisers, je ne pourrais plus m'en passer. C'est cet amour qui me fait peur, je ne sais pas très bien pourquoi. C'est cet amour qui me fait peur, car je veux enfin être moi. Mais quelqu'un veille, c'est le destin. Les choses bougent, c'est tant mieux. Tu as effacé mon chagrin, gommé la tristesse de mes yeux.